La pâquerette par Léon Frappier. Jeannot compte parmi les personnalités de l'école maternelle. Son père exerce la profession de débardeur le long du quai de la Villette. Lui, à 5 ans, il offre tout à fait la physionomie d'un déménageur. Il est trapu et a une figure censément raccourcie, rendue carrée du bas, par l'effort de coltiner des objets lourds, les mâchoires serrées, la nuque contractée. Ses cheveux châtains par leur épaisseur lui font une espèce de calotte aplatie très bas sur le front. En marchant, il se dandine pesamment, les bras écartés, le menton avancé, comme s'il voyait toujours quelques meubles à charger sur une voiture. Mais, détail inattendu, sa force va sans brutalité. Il a des yeux bienveillants, un nez arrondi, une bouche rieuse. C'est le déménageur paisible, aux gestes précautionneux. Dans la cour de récréation, il n'est pas de ceux qui renversent les petits, au contraire. Il s'occupe volontiers à cueillir d'une pincée, comme il ramasserait des mégots, les mômes qui jonchent le sol, derrière la bande cavalante des grands de 6 ans. L'autre jour, maître Jeannot, ayant été absent le matin, se faufile dans le préau, vers 1 heure, parmi les camarades qui reviennent de déjeuner chez leurs parents. Mais mademoiselle l'aperçoit et le saisit par le bras, car il devrait se trouver dans le groupe des élèves qui bénéficient de la cantine gratuite. « D'où viens-tu ? Et qu'est-ce que tu caches sous ton tablier ?»« Tiens, tiens, une pâquerette !» C'est pour chercher dans l'herbe des fortifications la première fleur de l'année que tu as manqué l'école ce matin et que tu t'es passé de déjeuner. Jeannot avoue que son escapade n'eut pas d'autre motif. Une question grave se pose aussitôt. Et pour qui cette fleur, je te prie? Pas de réponse. Mademoiselle connaît les amitiés de chacun. Elle émet cette supposition que la fleur doit être pour Louisette, une mignonne, peureuse, pas solide sur ses pattes, qui se réfugie d'ordinaire sous la protection de Jeannot, pendant le chambard frénétique des récréations. Et bien qu'il s'agisse de la louable fraternité prêchée par ses propres discours, elle formule son enquête sur un ton de réprimande sarcastique. Jeannot persiste dans son silence, le visage fermé, impénétrable. Voilà même qu'il fourre la pâquerette au fond de sa poche. Certes, il est allé la chercher par sentiment pour quelqu'un. Comprenez-vous, par sentiment. Alors, une invincible pudeur fait qu'il ne peut absolument pas en dire la destination, à la minute présente, sous le coup d'un interrogatoire public. Non, non, il tient son secret serré au fond de son cœur et ne laissera rien deviner de la chère intention qui touche au plus intime, au plus délicat de sa sensibilité. Mademoiselle n'insiste pas. Seulement, par punition, elle consigne Jeannot à l'écart dans la classe. Il se tiendra d'abord debout contre le mur, sous la carte des poids et mesures, puis il s'assiera sur la marche du bureau. Cet après-midi, il est considéré comme rempli de mauvais instincts et comme capable de contaminer tout le troupeau s'il occupait la place habituelle à son banc. Mademoiselle, en guise de leçon, raconte une histoire. Elle est brune, sculpturale, bien habillée. Elle a un beau visage aux traits purs de Minerve, un front majestueux, des yeux de bonté haute et calme. Dès les premiers mots de son récit, tous les enfants, reliés à elle par d'invisibles fils, tendent le bec, s'émerveillent, envoient vers son rayonnement leur vitalité avide et palpitante. Jeannot, contre le mur, entre aussi en extase, autant que les autres, que dis-je, plus que les autres, car il oublie le secret caché en lui. Il se laisse aller à une attitude révélatrice. Non content d'écouter, il remercie avec un doux penchement, un sourire dévot. Il avance la main pour une offrande imaginaire. Et juste, mademoiselle porte son regard sur lui. Il a beau se tourner bien vite vers le mur, elle saisit cette formelle certitude. C'était à elle-même que Jeannot destinait la fleurette, conquise au prix de son déjeuner, au risque des pires désagréments. Seule une heureuse convention qui facilite singulièrement la vie à l'école, les incartades et les pénitences passent aux oublis d'un jour sur l'autre. Donc, le lendemain, il est permis à mademoiselle de ne plus traiter Jeannot comme un élève qui a fait l'école buissonnière. Elle ne peut pas lui dire qu'elle sait son secret, ni lui adresser des remerciements, et pourtant, elle désire lui faire une amabilité qui se rapporte à son intention affectueuse de la veille, afin qu'il ne renonce pas à lui témoigner de la gentillesse une autre fois. Et de plus, elle veut, elle aussi, faire connaître son cœur indirectement. Elle prend Jeannot à part dans le préau un peu avant la sortie de 4 heures. « Dis donc, tu serais bien mignon de me dessiner des fleurs sur ce superbe papier blanc. Les vrais, je n'y tiens pas beaucoup, mais j'adore les fleurs dessinées. Je mettrai ton dessin au mur, chez moi, comme un tableau. » Jeannot balbutia une promesse, tout effaré du contentement par cette aimable commande. Son brodouillage signifie qu'il s'appliquera à offrir un magnifique bouquet sous la forme graphique. Toutefois, il se ressaisit peu à peu et se met à réfléchir. Depuis hier, il a du chagrin au sujet de mademoiselle, et par conséquent, il cherche inconsciemment à comprendre sa sentimentalité. Bientôt, une clarté pénètre en lui. Ce goût pour les fleurs dessinées constitue une révélation décisive. La pauvre petite pâquerette qui est morte au fond de sa poche n'aurait produit aucun effet. Et dire qu'il avait rêvé de l'échanger contre un baiser. Mademoiselle lui apparaît comme une personne qui donne ses préférences à l'univers artificiel. Par corrélation, il se rappelle des boutades entendues dans la rue. « Oui, oui, c'est charmant les gosses, mais en peinture uniquement. Au naturel, merci bien, très peu pour moi. » Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas la nature. Sûrement, mademoiselle ne veut pas de lui. Elle ne veut pas l'adopter en son cœur, il n'est pas assez artificiel. Il la regarde et il secoue sa tête en philosophe discret, résigné. « Ah bon, les fleurs, vous trouvez les dessinées plus gentilles que les vrais. Alors les gosses aussi, vous trouvez ceux qui sont sur les images plus gentils que les vrais ?»« Quand vous êtes parti de l'école, vous ne pensez plus à vos élèves, même pas un ou deux. » Il soupire. « Mademoiselle est comme ça, on ne peut pas la changer. » Il gardera cachée son immense douceur incomprise. Un creusement de joues désolé rend sublime sa figure de déménageur, et les paupières baissées, la voix pudique, il ajoute « Oh, pour personne, pour lui seul. » Mais quelquefois, les fleurs de vrai, ça sent bon, et les gosses de vrai, quelquefois, ça vous aime. C'était La Pâquerette, par Léon Frappier.